بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله متخشى فخ إسر. Aujourd'hui le mardi 3 شوال de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 26 mai 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude de la biographie du prophète alayhi salatu wa salam à partir du livre de l'imam Ismail ibn Kathir al-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Son livre s'appelle Al-Fusul fi Sirati Rasul. Donc aujourd'hui, nous allons parler bi-idhnillah, après avoir parlé de Sulh al-Hudaybiyah, qui, et ensuite on a parlé de Khaybar dans le cours précédent. On a parlé de la grande bataille de Khaybar, dans laquelle Allah Azza wa Jal a accordé un riche butin, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran. Et ensuite, à son retour vers le Medina, alayhi salatu wa salam, il a passé le mois de Dhul-Qi'da, ou Dhul-Qa'da, de l'année 7 de l'Hégire. Donc on est tous toujours dans l'année 7 de l'Hégire. Khaybar a eu lieu dans l'année 7 de l'Hégire, dans le mois de l'Muharram, vers la fin de l'Muharram, que Nabi alayhi salam est sorti pour Khaybar. Et ça, c'est l'avis le plus juste des hommes de science. Donc, vers la fin de cette année, l'année 7, comme c'était conclu avec Kuffar Quraysh dans le pacte de l'Hudaybiyah, et que les muslimines ne pourront pas faire l'Umrah cette année, et qu'ils ne pourront la faire que l'année suivante, dans le même mois. L'Hudaybiyah a eu lieu dans l'année 6, le mois Dhul-Qa'da. Donc une année plus tard, et avant de parler de ça, est-ce que l'année dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a été empêché de faire l'Umrah, ainsi que ses compagnons, est-ce que ça a été compté comme une Umrah? La plupart des savants disent oui. C'était une Umrah dans laquelle il a été empêché d'accomplir les rituels de l'Umrah. Et c'est pour ça qu'il s'est désacralisé alayhi salatu wassalam. Et il a tué les bêtes qu'il a ramenées pour le sacrifice. Et aussi un point auquel je pense à l'instant, c'est Al-Jizya. Quand j'ai parlé dans le cours précédent de Al-Jizya, c'est sorti de ma langue, j'ai dit aumône obligatoire. Et peut-être même que j'ai dit aumône obligatoire, ou j'ai dit aumône. Et le jizya, c'est une taxe. Le jizya, c'est une taxe qui est imposée aux gens du livre, al-dhimmiyin, ceux qui, quand l'islam arrive dans leur pays, ils choisissent de rester sur leur religion. Et après, il y a des divergences entre les savants. Est-ce que c'est réservé, ceux qui peuvent rester sur leur religion, c'est uniquement les gens du livre? Ou est-ce que c'est valable également pour le Majous, les adorateurs du feu? La plupart des savants disent que c'est valable pour les deux. Il y a un avis comme quoi c'est valable pour tous mes crayons. Mais l'avis de la plupart des savants, c'est que c'est valable uniquement pour les gens du livre et pour le Majous. Donc, quand ils choisissent de rester sur leur religion, il leur est imposé une taxe qu'il paye d'une manière annuelle, et c'est une taxe de laquelle doit s'acquitter les combattants parmi eux. Donc ne rentre pas dans cette taxe, ne rentre pas les enfants, les femmes, les vieillards et les adorateurs parmi eux, yani même ne rentrent pas également même les yani ceux qui ne participent pas de manière générale dans le combat, même s'ils sont parmi les hommes, les agriculteurs, les choses comme ça. Et c'est une somme qui n'a pas été déterminée dans les textes. La somme de laquelle ils doivent s'acquitter n'a pas été déterminée dans les textes. C'est pour ça que les savants ils disent, ça a été laissé à l'effort du gouverneur. C'est lui qui regarde ce qui convient, et cette somme, elle sera déterminée en fonction de la situation de la personne. Ça veut dire, c'est pas une somme que tout le monde doit donner de la même façon. Non, c'est chacun selon sa situation. Et quand il n'arrive pas à la donner, il est exonéré. Et même quand ils vieillissent ou ils n'arrivent plus à gagner leur vie par eux-mêmes, ils sont touchés par une pauvreté, yani Omar radiallahu anhu a commencé à leur donner leurs dépenses de la trésorerie des musulmans. Et il a commencé à donner, et en plus de les exonérer, d'acquitter le jizya. Il y a des sagesses dans la législation de le jizya. Il y a des sagesses. Dès qu'il devient musulman, ça s'arrête. Et il paye pas tout ce qui a précédé. Et tout ça, ça vous démontre, le but, c'est pas de donner d'acquitter une somme. Et cette somme, à l'époque du prophète, ce qui a été rapporté, c'était autour d'une pièce d'un dinar. 5 grammes d'or annuellement. Et ça peut motiver beaucoup parmi eux à entrer dans l'islam. Et comme vous le voyez de nos jours, il y a des gens qui entrent dans l'islam au début, ils sont pas sincères. Ils entrent dans l'islam pour le mariage ou là pour une autre raison, et après ça devient des croyants sincères, même très très sincères. Merci beaucoup Allah, merci beaucoup. Donc il y a des sagesses dans tout ce que Allah Azza wa Jalla légifère. Le Nabi Aïssa Salam, dans l'année 7, dans le mois de Dhul-Qa'da, comme c'était convenu et que c'était stipulé dans les conditions de Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, le Nabi Aïssa Salam s'est préparé pour sortir pour faire l'Umrah cette année-là, sur laquelle il s'est mis d'accord avec Kuffar Quraysh. Et je disais que le Nabi Aïssa Salam, il a fait 4 umrahs dans l'islam. Il a fait 4 umrahs dans l'islam. Dans la première, c'est celle dont il a été repoussé. Et dans la deuxième, c'est celle-là, qu'on va voir aujourd'hui, qui s'est fait appeler Umratul Qada, c'est-à-dire la umrah du rattrapage, ou, yani ça a plusieurs significations et tous y sont bons, ou la umrah du pacte et de l'accord, al-qadiyya ou al-qada. Et tous ces sens-là sont justes, parce que chaque nom par lequel cette umrah a été appelée désigne un sens qui est juste. C'est une umrah dans laquelle les croyants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rattrapé la umrah dans laquelle ils étaient empêchés. Et c'est une umrah selon, dans le cadre de ce pacte également. Et la troisième umrah, c'est l'umrah que le Nabi Aïssa Sallallahu Alaihi Wasallam a fait depuis le Jirrana, que nous allons voir. Et la quatrième, c'est l'umrah qu'il a fait dans l'année de l'Hajj, de son unique Hajj dans l'islam, Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu, dans lequel il a, c'était l'unique pèlerinage du prophète Aïssa Sallallahu Alaihi Wasallam. Et c'était le premier et le dernier pour lui, alayhi salatu wassalam. Donc le Nabi Aïssa al-Salam, pour cette Umra, il est sorti avec ses compagnons radiallahu anhum dans le mois de Dhul-Qa'da, l'année 7 de l'Hijr, pour accomplir cette Umra selon ce qui a été convenu avec Kuffar Quraysh. Et les musulmans sont partis avec leurs armes. Si vous rappelez les conditions du pacte, c'est que quand les musulmans vont arriver à Mecca pour faire l'Umra, qui viendront pas avec les armes, mais qui viendront uniquement avec ce qu'on appelle silah al-rakib, c'est-à-dire l'arme du voyageur. Quand quelqu'un est en voyage, si vous voyez aujourd'hui les Yéménites, tout ça, il porte une épée ou un khinjar, un poignard. Allah alam, il l'appelle comme ça. En tout cas, c'est une simple arme avec laquelle la personne peut se défendre. Mais c'est pas les armes du combat. Les boucliers, et les armatures, les choses comme ça, les casques. Non. Ils ont convenu avec eux de venir sans les armes. Et sans les armes, ça veut dire sans les armes de la guerre et de la bataille. Mais les Arabes, en général, ils avaient toujours leur arme avec eux, une épée ou la shahad. Et ça, c'est une ni'ma dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est cette sécurité dont nous jouissons dans nos pays de l'islam. Dans la plupart. Et qu'Allah ramène la sécurité dans les pays dans lesquels il y a actuellement une instabilité ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est une ni'ma immense de pouvoir jouir de la sécurité. Et ça, beaucoup d'entre nous, ils réalisent pas l'immensité de cette ni'ma. Que ce soit dans ta personne déjà. Tu sors de chez toi, tu te rends à la mosquée et tu reviens. Et t'as pas été touché par un mal. Ça, c'est une ni'ma immense. Et il faut savoir que l'islam ne se propage que dans des conditions similaires. Quand il y a les révoltes et l'anarchie dans le pays, quelle da'wa tu vas faire? Tu cherches déjà à protéger ta personne et ta famille. C'est pour ça, le kuffar, les ennemis de l'islam, font tout pour répandre l'anarchie dans les pays de l'islam et ils encouragent aux rébellions et aux révoltes contre les gouverneurs et ils poussent les gens à s'insurger contre leurs gouverneurs musulmans. Et même quand c'est pas des musulmans, même quand c'est un kafir, comme c'était le cas du dirigeant de la Libye. Les savants, depuis plus de 25 ans, il y en a peut-être 30 ans qu'ils le considèrent pas comme un musulman, cet homme. Mais pourtant, ils ont jamais incité à se rebeller contre lui et à s'insurger contre lui. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas autorisé. C'est une obligation de renverser le mécréant quand un mécréant est à la tête d'un pays d'islam. Et comment on sait que c'est un mécréant? En revenant aux savants, aux grands savants qui sont ancrés dans la science. On revient à eux déjà pour savoir est-ce que c'est un musulman ou pas. Et on revient à eux dans une deuxième étape également pour savoir est-ce que il y a plus de maslaha et de bienfaits à s'insurger ou pas. Et pas agir de nous-mêmes selon nos passions. Donc, je disais que les savants ne recommandaient pas cela, de renverser cet homme malgré sa mécréance. Et les mécréances de cet homme étaient nombreuses. Et tu t'entends pas ça se propager comme ça. Peut-être ça peut être un mal pour certains. Ils entendent ça et ils tombent dans des choses qui sont interdites. Car les savants regardent la capacité aussi. Est-ce que les musulmans ont cette capacité? Bien évidemment qu'ils l'ont pas. Et rien n'est obligatoire sans en avoir la capacité de l'accomplir. C'est pour ça, ce qui est demandé, c'est de patienter et de commencer à réformer nos personnes déjà et nos familles. Et bien là, ainsi la réforme se propage dans le pays. et savoir qu'est-ce que c'est la réforme déjà, par quoi ça commence. Et tout ça, ça demande d'étudier la vie du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam et de voir qu'un seul homme est venu, Allah lui a permis de réformer toute une société. À lui seul, comment il a commencé, comment il a fait da'wah, par quoi il a commencé sa da'wah. Est-ce que la da'wah, on commence dans la da'wah à appeler les gens à la politique, au vote, comme le font l'ikhwan? Est-ce que la da'wah commence par appeler les gens à sortir en dehors du sentier d'Allah, en dehors de la voie d'Allah, et non pas dans la voie d'Allah, comme ils disent eux, le khuruj fi sabilillah? Ça, c'est sortir de la voie d'Allah, car c'est pas conforme à la sunna. Sortir pour faire da'wah, c'est pas pour les ignorants, c'est pour ceux qui ont la science. Et ceci ne nécessite pas une appartenance à une secte. Une secte qui cherche à réformer la péninsule arabique, dont la naissance a été au Pakistan ou là l'Inde, les deux, entre les deux. Des pays, c'est connu, dans lesquels l'adoration des tombes et les mausolées est très propagée. Donc cette da'wah, si elle était conforme à la da'wah du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, si c'était une da'wah avec basira, elle aurait commencé par là où elle est, là où elle est née. Et tu vois qu'ils prétendent vouloir réformer la péninsule arabique, dans laquelle, alhamdoulilah, tawhid est propagé, et tu ne vois pas un seul signe apparent de shirk. Et dès que quelque chose apparaît, et c'est déjà arrivé dans quelques endroits, tu vois que les autorités se précipitent à retirer ces choses-là. Alhamdulillah. Donc, da'wa commence par da'wa ou tawhid. Comme le Nabi alayhi salam enseignait à ses du'at quand il les envoyait dans les pays tels que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu et Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, quand il les a envoyés au Yémen, et ainsi de suite. Donc le Nabi alayhi salam est sorti, effectivement, et comme j'ai dit, c'est rapporté par al-Bayhaqi rahimahullah ibn Sa'd que les musulmans sont sortis avec leurs armes. Mais ils se sont arrêtés à un endroit qui s'appelle Ya'jij, qui est pas loin de l'Haram, qui est juste en dehors de l'Haram. Et ils se sont répartis en deux parties, deux groupes. Ils ont formé, le Nabi al-Islam a formé deux groupes. Le premier groupe l'a accompagné directement vers l'Umrah, dans l'accomplissement de l'Umrah, et ils n'avaient avec eux que l'arme du voyageur, comme c'était l'accord avec Kuffar Quraysh. Et l'autre groupe est resté avec les armes, à protéger les armes des autres, mais également armé, en attente si jamais il y a une trahison de la part de Quraysh. Jusqu'à ce que Nabi alayhi salam a fait l'Umra avec le premier groupe, et ensuite ils sont repartis surveiller les armes, et le deuxième groupe a rejoint Nabi alayhi salam, ils ont fait l'Umra également. Donc ils l'ont fait en deux parties. Et quand Nabi alayhi salam a entendu que Kuffar Quraysh, bien évidemment, les têtes parmi eux, ils n'ont pas supporté rester à Mecca pendant que les musulmans font l'Umrah. Beaucoup d'entre eux sont sortis à l'extérieur de Mecca, en attendant que les musulmans finissent l'Umrah. Car l'accord était qu'il ne dépassait pas 3 jours à Mecca. Et donc, Nabi alayhi salam avait entendu une rumeur qui se propageait comme quoi les musulmans étaient très faibles physiquement à cause de la fièvre de l'Madina et des maladies de l'Madina. Et ça, c'était vrai avant l'arrivée de Nabi alayhi salam. Après Nabi alayhi salam, quand certains de ses compagnons ont été touchés, étaient malades, il a fait du'a, Allah azza wa jalla a fait sortir les maladies de l'Madina à l'extérieur. Donc ils ont entendu qu'ils étaient faibles et dans leur force, Nabi Isa Salam a ordonné à ses compagnons, quand ils faisaient tawaf, dans les trois premiers tours, de presser le pas et de marcher avec une force et détermination et de montrer la force des musulmans. Effectivement, ils l'ont fait et c'est devenu une sunna. Et quand ils sont arrivés à, entre Safa et le Marwa, dans Sa'i, entre les deux monts de Safa et le Marwa, quand ils sont arrivés à un endroit, le Nabi A.S. leur a ordonné de courir vite. Donc le Nabi A.S. il a couru lui-même entre ces deux endroits, c'est une petite distance, tellement vite qu'il a failli faire tomber son empan. Enfin, qu'il a failli faire tomber son panne. Alayhi salatu wassalam. Et le Nabi A.S. l'a remis en place bien comme il faut, il a continué. Alayhi salatu wassalam. Donc ils ont montré la force aux ennemis de l'islam de cette manière. Et ça c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Quand Kuffar Quraysh ont vu ça, ils ont dit c'est quoi les maladies par lesquelles ils sont touchés? Vous avez pas vu comment ils sont forts, ils sont plus forts que ça et ça et ça. Et ils ont cité des choses, ça c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et c'est arrivé quand, c'était l'heure de Dhuhr, le Nabi Isa Salam a ordonné à Bilal radiallahu anhu de faire l'appel à la prière, il est monté sur le Kaaba. C'est comme ça qu'a rapporté Ibn Sa'd rahimahullah. Il est monté sur le Kaaba, il a fait l'appel à la prière de Dhuhr. Et ensuite, les musulmans ont prié avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et après la fin des trois jours, Kuffar Quraysh ont convoqué Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, et lui ont dit, dis à ton compagnon, c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, de sortir et de quitter Mecca. Car le délai est terminé. Et le Nabi, alayhi salatu wassalam, après être désacralisé de l'Umra, il a épousé Maymouna bint al-Harith al-Amiriya, radiallahu anha. Maymouna bint al-Harith, parmi les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la sœur de Umm al-Fadl, qui est l'épouse de l'Abbas. Donc c'est Khalat Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, sa Khala, c'est Maymouna, épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que vous trouvez dans des hadiths qu'il a passé la nuit chez sa tante maternelle, Maymouna. Et il a vu le prophète, alayhi salatu wassalam, prier de nuit. Il a prié avec lui une fois. Il s'est mis à sa gauche. Nabi, alayhi salatu wassalam, l'a mis à sa droite. Et ainsi de suite. Parce que c'est la sœur de sa mère que Nabi, alayhi salatu wassalam, a épousée dans cette umra. Et les savants, ils sont d'accord que le Nabi alayhi salam l'a épousé après être désacralisé de l'Umra, après la désacralisation de l'Umra. Car Abdullah ibn Abbas a rapporté qu'il l'a épousé pendant son état de sacralisation. Ou pendant son état de sacralisation, na'am. Qu'il l'a épousé pendant cet état, mais ils ont dit que ça c'était une erreur d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, car il était très jeune à cette époque-là, et même Maymouna radiallahu anhu, elle a décrit son mariage avec le prophète alayhi sallam, et que c'était après qu'il soit désacralisé de l'Umra. Radiallahu anhum tous. Et le Nabi alayhi sallam, comme il a épousé Maymouna, il a demandé à Quraysh de le laisser jusqu'à faire le repas du mariage et même les inviter eux. Mais ils ont refusé, ils avaient tellement la rage, ils ont dit le délai est fini, ils quittent Mecca. Nabi alayhi salam, effectivement, il est sorti comme ça a été convenu et il n'a fait le mariage avec Maymouna radiyallahu anha, l'acte du mariage a été fait. Mais la consommation et le repas du mariage n'ont été faits qu'une fois arrivés à un endroit qui s'appelle Serif. Un endroit qui s'appelle Serif, qui se trouve à peu près à 10 km de Mecca. Donc il a quitté Mecca et après il s'est arrêté et ils ont fait le repas, tout ça, et ensuite ils ont continué vers le Médina dans le mois de Dhul-Hijja. Dans le mois de Dhul-Hijja. Quand Nabi Isa Salam voulait sortir de Mecca, il a été suivi par la fille de Hamza radiallahu anha, qui était encore à Mecca, qui s'appelle Imara, et c'était une petite fille. Et elle appelait le prophète alayhi salatu wassalam, Ya Am, Ya Am, oh mon oncle, oh mon oncle. Et quand Ali radiallahu anha l'a vu, il l'a prise avec lui, et il l'a donnée à Fatima, pour qu'elle s'occupe d'elle, et qu'elle les accompagne à la Médina. Et ensuite, ils se sont disputés au sujet de cette petite fille, la fille de Hamza radiallahu anhu, trois hommes. Le premier c'est Ali radiallahu anhu, et le deuxième c'est Zayd, et le troisième c'est Ja'far le frère de Ali. Donc Ali a dit, c'est moi qui va la garder. Donc ils se sont disputés qui va la garder et qui va s'occuper d'elle. Dispute dans le bien et concurrence dans le bien. Ali radiallahu anhu a dit, elle est la fille de mon oncle et c'est moi qui l'ai pris le premier, donc elle restera chez moi. Ja'far radiallahu anhu a dit, elle est la fille de mon oncle également et sa tante maternelle est mon épouse. Là il a sorti un argument très fort, radiallahu anhu Ja'far. Il a dit, elle est comme pour moi, elle est comme toi, la fille de mon oncle, de Hamza, mais en plus, moi, mon épouse, c'est sa tante maternelle. Et on va voir pourquoi il a cité ça. Zayd radiallahu anhu a dit, elle est la fille de mon frère. Et le Nabi alayhi salam, il a jugé dans cette affaire que celui qui garde Imara, c'est Ja'far radiallahu anhu. Et c'est là où il a dit ce hadith qui est très connu, il a dit, الخالة بمنزلة الأم. الخالة, la tante maternelle, a le même statut que la mère. Et ça montre le statut de الخالة, de la sœur de ta mère, et qu'elle a un statut particulier. Elle est comme ta mère, dans la bonté, dans la piété, la bonté que tu dois avoir vis-à-vis d'elle, elle est comme ta mère. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiallahu anhu, Anta minni wa ana mink, t'es de moi et je suis de toi. Et il a dit à Ja'far radiallahu anhu, tu m'as ressemblé dans ma création et dans mon comportement. Et ça on l'a déjà vu. Il a dit à Zayd radiallahu anhu, t'es notre frère et notre allié par affranchissement. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité à chacun son statut, et le fait de l'accorder à Ja'far radiallahu anhu, c'est parce qu'il y a une raison très forte que Ja'far a et que les autres n'ont pas. C'est que la femme de Ja'far radiallahu anhu est la tante maternelle de Imara. Et on sait que l'homme ne peut pas épouser la femme et sa tante maternelle. C'est pour ça qu'il est un mahram pour Imara, contrairement à Ali. Elle est sa nièce, contrairement à Zayd également, radiallahu anhu. Et ça, cette faïda a été citée par l'Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari. Et c'est de là où beaucoup de savants ont pris que, après la mère, celui qui a le droit le plus dans la garderie de l'enfant après ses parents, c'est sa tante maternelle, et qu'elle passe avant la tante paternelle. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i et Malik et Abu Hanifa, et même de Ahmed dans une narration qui a été rapportée de lui, et dans une autre, il a le même avis qui a été choisi par Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est que la tante paternelle passe avant la tante maternelle. Voilà par rapport à Umrat al-Qada. Et ensuite, Sahaba radiallahu anhum avec le prophète alayhi salam sont entrés dans le Medina. Ensuite, l'imam Ibn Kathir rahimahullah a parlé de Ba'thu Mu'ta. De Ba'thu Mu'ta. Mais avant de parler de ce Ba'th, je vais citer une faïda qui n'a pas été citée, qui a de l'importance. Comme je vous ai dit, l'imam Ibn Kathir, il cite les choses les plus importantes et les batailles importantes. Il y a un événement qui est important, qui a eu lieu après cela et avant de parler de Ba'th, Mu'ta, l'expédition de Mu'ta. Mu'ta, c'est un village qui existe encore aujourd'hui dans l'est de la Jordanie. Allez, on appelle ça, comme je vous ai dit, tout ça, ça s'appelle Sham. La Jordanie, le Liban, la Palestine, la Syrie, aujourd'hui. C'est quatre pays. Donc, cet endroit, Mu'ta, il se trouve vers l'est de la Jordanie aujourd'hui. Et Nabi alayhi salam a envoyé une expédition vers cet endroit, mais on va voir deux hommes dont un aura un rôle important dans cette expédition. Et on connaît pas jusqu'à maintenant son islam. Il est encore avec les kuffar. C'est Khalid ibn al-Walid. Et le deuxième, c'est Amr ibn al-As, radiallahu anhuma. Donc, après l'accord qui a été fait entre le prophète, alayhi salam, et le muslimin, dans le Hudaybiyah, et suite à ce qui est arrivé, si vous vous rappelez, ces 200 cavaliers qui sont sortis pour tuer le Nabi alayhi salam, avant qu'ils n'arrivent à Mecca, et eux, ils se disaient qu'ils vont attendre, qu'ils vont guetter les musulmans, car ils savent qu'ils prient. Et même ils savent que cette prière est plus aimée pour eux que leurs enfants et que leurs biens. Donc ils savaient qu'ils allaient prier. Ils se sont dit, à leur tête, Khalid ibn al-Walid, ils se sont dit, on va les attendre, quand ils vont entrer dans la salat, on les tue. Mais Allah Azzawajal a révélé à son prophète alayhi salam la prière, d'accomplir la prière de la peur, et même ils ont changé de route, et ils ont pu éviter ces 200 cavaliers. Et quand Khalid radiallahu anhu a vu cela, il a compris que le Nabi alayhi salam il est protégé avec ses compagnons, et que c'est une protection divine, car Allah a révélé à son prophète le piège qu'il voulait leur tendre. Et même ils ont changé de route, tout ça. Et puis quand il a vu que le pacte a été accompli entre eux et Kuffar Quraysh, il a compris que il n'y avait plus besoin de résister, c'était pas la peine de résister, et c'était le début de l'islam pour lui. Mais il n'est pas devenu encore musulman. Le début de l'islam pour Amr ibn al-As, c'était en Éthiopie. Quand il a vu comment Najashi, le Négus, il défendait les musulmans, et comment il a décrit leur religion, c'était le début de l'islam pour lui. Mais est-ce qu'il est entré dans l'islam? Il l'a caché, mais en tout cas, ça s'est pas su jusqu'à maintenant. Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, quand Nabi alayhi salam est venu faire cette umrah, il s'est absenté. Et Nabi alayhi salam, pourtant, a demandé auprès de lui, car il a vu son frère, Al-Walid ibn al-Walid, qui est entré dans l'islam ce jour-là, le jour de Umrah, Umrat al-Qada. Mais il n'a pas vu Khalid ibn al-Walid. Il lui a dit, il est où Khalid? Et Nabi alayhi salam a dit des paroles qui lui ont été rapportées et qui l'ont encouragé davantage à entrer dans l'islam. Il a dit, quelqu'un comme lui, c'est-à-dire dans son intelligence, il ne doit pas ignorer le mérite de l'islam et les bienfaits de l'islam. Et ses efforts, s'il les faisait aux côtés des musulmans, ses efforts dans les combats et son intelligence qu'Allah lui a donnée dans les batailles, s'il utilisait ça pour l'intérêt des musulmans, ça aurait été meilleur pour lui, a dit Nabi alayhi salam. Et il a dit, s'il nous rejoint, il sera privilégié. Il y en a, Le meilleur d'entre nous, le meilleur d'entre vous dans l'islam, c'est le meilleur d'entre vous avant l'islam. Et cet homme, on a vu tous comment il était avant l'islam, yani dans, yani ses stratégies de guerre, et ils disent, Wallah, alam, que c'est étudié encore aujourd'hui dans des grandes universités militaires. En tout cas, ça a beaucoup touché Khalid ibn al-Walid. Il est rapporté également qu'il a vu un rêve dans lequel il a vu qu'il était sur une terre petite et serrée et dans laquelle il n'y avait pas de plantation. Et qu'il est sorti de cette petite terre étroite vers une terre très large, plein de verdure. Et quand il est entré dans l'islam et qu'il a rencontré Abu Bakr radiallahu anhu, il lui a raconté ce rêve. Il lui a dit, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala quand il t'a sorti de la mécréance et du rétrécissement de la mécréance vers la largesse de l'islam. Donc Khalid ibn al-Walid, une fois qu'Allah azzajal a ouvert sa poitrine pour l'acceptation de la vérité et l'acceptation de l'islam, il a décidé d'immigrer vers le prophète alayhi salam sallam à Médine. Et ça s'est fait après son retour de Umrat al-Qadha. Et il a été voir Safwan ibn Umayya et Ikrimah ibn Abi Jahl, qui sont ses amis. Il leur a proposé de l'accompagner, d'entrer dans l'islam. Ils ont refusé, tous les deux. Mais alhamdoulilah, tous les deux vont entrer dans l'islam. Et il les a abandonnés, et il est parti, il allait partir seul. Et Allah lui a permis de rencontrer Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha, si vous vous rappelez, c'est un des meilleurs amis de Khalid ibn al-Walid avant l'islam. Et Uthman ibn Talha, c'est celui qui avait les clés de l'Kaaba. Et Uthman ibn Talha, c'est lui qui a accompagné Umm Salama avec son petit-fils pour ne pas laisser une femme voyager seule pendant qu'il était mécréant. Et il était de retour d'un autre voyage. Donc Uthman ibn Talha, radiyallahu anhu, également Allah Azza wa Jalla l'a guidé vers l'islam, et Khalid ibn al-Walid l'a croisé, il était sorti également pour émigrer vers le prophète, alayhi salatu wa salam. Et ils se sont accompagnés dans ce voyage. Et quand ils sont arrivés sur leur route à un endroit qui s'appelle Al-Hadda, ils ont croisé Amr ibn al-As, qui avait le même objectif que les deux autres. Et ils sont partis vers le Nabi alayhi salam dans le mois Safar de l'année 8 de l'Hijr. De l'année 8 de l'Hijr. C'est-à-dire après l'Umra, quelques mois après l'Umra. Yani un mois après l'Umra. Après l'Umra, un mois. Car l'Umra, on a vu que le Nabi alayhi salam est reparti à Médine dans le mois de Dhul-Hijjah. Donc Dhul-Hijjah, Muharram, Safar. Voilà par rapport à cet événement qui est important, qui est l'islam de Khalid ibn al-Walid et de Uthman ibn Talha et de Amr ibn al-As. Khalid ibn al-Walid, il va avoir un rôle capital dans la bataille que nous allons voir aujourd'hui, l'expédition de Mu'ta. C'est la première bataille dans laquelle il a participé. Est-ce que Amr ibn al-As, il a participé dans celle-là également, ou il n'a participé que dans la bataille de Sulasil? Il y a une divergence. En tout cas, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, avec certitude, il a participé dans cette bataille. Comme je vous ai dit, Mu'ta, c'est un village qui a le même nom encore aujourd'hui dans l'est de la Jordanie. Et parmi les causes pour lesquelles Nabi alayhi salam a envoyé cette expédition, c'est que le messager, alayhi salatu wassalam, avait envoyé un messager, qui est le compagnon Al-Harith ibn Umayr. Il l'a envoyé au roi de Bousra. Bousra, une région dans Cham, également. Et quand il s'est arrêté à Mu'ta, le messager du messager d'Allah, qui est Al-Harith ibn Umayr, il a été tué par un homme qui s'appelle Shurahbil ibn Amr al-Ghassani. Il l'a pris en otage, il l'a tué. Et les messagers n'étaient pas tués même avant l'islam. Tu prends de lui son message et tu le laisses, même avant l'islam, même si c'est un messager de tes ennemis. Mais cet homme a commis cette injustice et il a tué le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que Nabi alayhi salam a décidé dans le mois Jumad al-Oula de l'année 8 de l'Hégire d'envoyer cette expédition qui s'est fait appeler l'expédition de Mu'ta. Avec 3000 hommes, et il a mis à leur tête comme émir Zayd ibn Haritha radiallahu anhu. Et Nabi alayhi salam, dans cette expédition, il a fait une chose qu'il n'a jamais fait auparavant, et ça n'a pas été rapporté que ça a été fait dans d'autres combats ou dans d'autres batailles ou dans d'autres expéditions. C'est qu'il a désigné le responsable. Et il a dit, s'il est tué, alors le responsable après lui, c'est un tel. Et s'il est tué, le responsable après lui, c'est un tel. Et si le troisième est tué, alors les muslimines désignent un responsable parmi eux sur lequel ils se mettent d'accord. Donc il a désigné Zayd ibn Haritha. Il a dit, s'il est tué, alors ça sera Ja'far ibn Abi Talib après lui. Et si Ja'far ibn Abi Talib est tué, ça sera Abdullah ibn Rawaha après lui. Et si Abdullah ibn Rawaha est tué, les muslimines choisiront par eux-mêmes le responsable de cette bataille. Et subhanallah, les trois hommes, les trois chefs ont été tués. Et Nabi alayhi salam de Medina, il a informé ses compagnons de la mort de chacun d'entre eux et des détails du déroulement de cette bataille en même temps comme s'il regardait la bataille directement, alayhi salatu wassalam. Donc ils sont sortis avec 3000 hommes jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Ma'an dans Sham. Et Héraql, le roi des Romains, quand il a entendu César, quand il a entendu l'arrivée des musulmans, il est sorti avec 100 000 hommes. Il est sorti avec 100 000 hommes pour leur rencontre. Et quand les autres rois qui étaient sous la gouvernance de César et qui étaient ses alliés ont entendu sa sortie avec 100 000 hommes, ils sont sortis avec 100 000 hommes également. Et donc ainsi l'armée des Romains, et ça c'est la première bataille contre les Romains que les muslimines vont mener. Et c'est une bataille à travers laquelle les muslimines, ils vont découvrir ce que c'est les Romains, et ça sera une préparation pour la conquête de Cham et de tous ces pays-là qui étaient sous la gouvernance des Romains. Donc 100 000 plus 100 000, ça fait 200 000. Et à la tête de toute cette armée, un homme qui s'appelle Malik ibn Rafila. Et dans certaines versions, c'était César lui-même qui est sorti. Lakin Allah alam, ce que la plupart des savants de Sira citent, c'est qu'il n'est pas sorti, mais celui qui a été mis à la tête de toute cette armée, c'est Malik ibn Rafila. Quand les muslimines ont su le grand nombre avec lequel sont sortis les Romains, eux ils sont sortis pour une ville, un petit village, yani Mu'ta. Mais voilà 200 000 hommes qui sont sortis pour leur combat. Donc les muslimines, les compagnons radiallahu anhum, ont commencé à réfléchir entre eux, yani à discuter de ce qu'ils allaient faire. Ils sont restés dans cet endroit qui s'appelle Ma'an deux nuits. Ils ont passé deux nuits dans lesquelles ils réfléchissaient de ce qu'ils allaient faire. Certains parmi eux ont dit, on doit informer le messager d'Allah alayhi salatu wassalam du grand nombre de nos ennemis afin qu'il nous envoie des renforts et de regarder ce qu'il va nous ordonner. S'il nous dit de continuer dans le combat, on va continuer. Et s'il nous dit de revenir, on reviendra. Et ainsi, on n'exposera pas notre armée à un danger. Donc, ils réfléchissaient, discutaient. Et à ce moment-là, Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, a parlé. Et il a dit, Ya qawm, ô mes gens. Yani, il s'est adressé à eux. Il leur a dit, ce que vous détestez, c'est la chose pour laquelle vous êtes sortis, en réalité. C'est-à-dire le martyr dans le sentier d'Allah. Et il a dit, nous on combat pas les gens avec un grand nombre ou notre force. C'est pas ça qui nous permet d'avoir la victoire sur nos ennemis. Mais on les combat avec cette religion qu'Allah Azzawajal nous a honoré et nous a donné, la religion de l'islam. Alors, avancez pour la raison pour laquelle vous êtes sortis, et de toute façon, vous aurez une de ces deux belles récompenses qu'Allah vous a promis. La victoire contre l'ennemi ou le martyr dans le sentier d'Allah. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit par Allah, il a dit vrai, Abdullah ibn Rawaha. En réalité, nous, on n'est pas sortis, on est sortis pour le martyr dans le sentier d'Allah. Et notre ennemi, ce qui va nous permettre de dominer notre ennemi, c'est pas notre grand nombre, ou notre force, ou nos préparatifs, ou nos armes. C'est Allah qui nous aide contre nos ennemis. Et ça les a motivés, et ils ont continué jusqu'à la rencontre de cette grande armée de Qaysar, de Héraclès. Et la rencontre s'est déroulée, yani, entre les musulmans et la grande armée de Héraclès. Ça s'est déroulé à côté des villages de l'Balqa. Et les ennemis se sont approchés des musulmans. Et les musulmans se sont retirés dans Mu'ta, dans le village de Mu'ta. Et ils se sont préparés à cet endroit pour yani, que le combat se déroule à Mu'ta même. Et ils se sont positionnés dans des positions stratégiques, yani 3000 contre 200 000. C'est très important d'avoir des positions stratégiques. Et ont été désignés 3 hommes sur l'armée des musulmans, sur la partie droite, le chef c'était Qutba ibn Qatada al-Udri radiyallahu anhu. Et la partie gauche c'était Ubada ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu. Et le chef de toute l'armée des musulmans c'était Zayd radiyallahu anhu. Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Et Zayd a combattu, les gens ont combattu ce jour-là. Ils ont combattu jusqu'à ce que Zayd, radiallahu anhu, est tombé martyr. Et ensuite, celui qui a pris l'étendard des musulmans, c'est Ja'far, radiallahu anhu. Il a avancé également. Il a combattu jusqu'à ce qu'il a été tué, radiallahu anhu. Il a été tué alors qu'il avait 33 ans, comme c'est rapporté par Ibn Ishaq. Et il est rapporté que Ja'far radiallahu anhu, il a pris plusieurs coups dans son corps. Dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, il a pris plus de 90 coups dans le corps qu'on a trouvé sur son corps après sa mort, radiallahu anhu. Et ils ont coupé sa main droite, il a pris l'étendard avec la main gauche, ils ont coupé sa main gauche, il a pris entre les deux, et subhanallah, il est rapporté que quelqu'un lui a donné un coup, il a coupé son corps en deux parties. Radiallahu anhu wa arda. Et après Ja'far radiallahu anhu, celui qui a pris l'étendard des musulmans, c'est Abdullah ibn Rawaha, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Et lui également, il a combattu avec un très très grand courage, radiallahu anhu, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla lui ait accordé le degré du martyr. Et après la mort de Abdullah ibn Rawaha, le compagnon qui a pris l'étendard, c'est Thabit ibn Akram. Et le musulmin, et il a demandé aux gens de désigner un chef pour lui passer l'étendard. Ils ont dit, on te choisit toi. Il a refusé. Lui, il l'a pris juste pour qu'il reste pas par terre. Et après, les musulmans se sont mis d'accord sur Khalid ibn al-Walid. Ils se sont mis d'accord sur Khalid ibn al-Walid. Khalid radiallahu anhu, quand il a été désigné, donc ils ont passé cette nuit-là. Le lendemain, avec le début du combat contre Rome, Khalid ibn al-Walid a fait une technique. Il a changé les positions des hommes dans l'armée. Donc, les Romains, ils combattent les musulmans pendant quelques jours. Donc, ils ont vu leur visage, ils ont vu comment ils sont, tout ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait, radiallahu anhu? Il a eu l'idée de changer la position des hommes. Ceux qui étaient devant, il les a placés derrière. Et ceux qui étaient derrière, il les a placés devant. Et ceux qui étaient à droite, il les a placés à gauche. Et ceux qui étaient à gauche, il les a placés à droite. Quand les Romains ont vu ça, ils ont dit, les musulmans ont reçu des renforts. Et ça leur a fait peur. Parce que ceux-là, avec 3000, tout ce qu'ils nous ont fait subir, et il y a eu beaucoup de morts parmi les Romains. Il y a eu beaucoup de morts ce jour-là parmi les Romains. Donc ils ont dit, ils ont eu très peur. Et ensuite, Khalid ibn al-Walid a attaqué les Romains. Et ils ont combattu d'une manière exceptionnelle par rapport à tout ce qui a précédé. Et ça, c'était visé aussi, pour confirmer ce que les Romains ont pensé. Donc, c'est plus les mêmes visages, mais en plus, leur force a redoublé. Et Khalid ibn al-Walid, dans ce combat, il a cassé 9 épées. Vous imaginez les épées de l'époque? Allah, même si on arrive à le porter, à porter à de l'épée de l'époque qu'ils avaient. Donc, c'était des épées assez grandes, et lourde, et large. Et Ali, comment casser une épée comme ça? Et lui, il a cassé 9 épées dans le combat. L'épée se casse, il prend une nouvelle. Il combat jusqu'à ce qu'elle se casse, il prend une nouvelle, et ainsi de suite. Radiallahu anhu. Et ils ont combattu, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, ils ont combattu d'une manière plus forte encore que tout ce qui a précédé. Radiallahu anhu. Et Nabi Issa Sam, comme je vous ai dit, il leur citait point par point, détail par détail de cette bataille. Et quand Khalid radiallahu anhu a été désigné comme chef de l'armée, Nabi Issa Sam leur a dit, Khalid a été désigné, c'est lui qui a pris l'étendard des musulmans, c'est lui qui porte la bannière des musulmans. Et il leur a annoncé la victoire. Et ça, c'est un point très important à noter. Ce hadith, il est rapporté dans le Bukhari. Donc ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé une victoire. Ça veut dire qu'il va y avoir une victoire. Et c'était ce jour-là, comme c'est également rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé Khalid ibn al-Walid, il a appelé Saifullah, l'épée d'Allah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été touché par une très grande tristesse par rapport à ce qui a touché le musulmane et par rapport à la mort de ses chefs d'armée, les trois, radiallahu anhum. Vous vous rappelez, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a conquis Khaybar, avec l'arrivée de Ja'far, radiallahu anhum, de l'Éthiopie, il a dit, je ne sais pas laquelle est la meilleure et l'événement le plus heureux pour moi, la conquête de Khaybar ou l'arrivée de Ja'far. Il l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Ja'far, radiallahu anhum. Donc il était très très triste, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout en acceptant bien évidemment tout en acceptant la volonté d'Allah Azza wa Jalla et en sachant également que ce qu'Allah Azza wa Jalla a réservé pour ses hommes est meilleur que ce qu'ils avaient dans le dunya. Et ça, subhanallah, c'est rapporté également dans l'authentique de l'Bukhari. Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam, quand il évoquait les martyrs de Mu'ta, et ces martyrs de Mu'ta, ils ont un statut particulier dans l'islam. Quand il les évoquait, il disait ما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا رواه البخاري. Il disait je ne préfère pas qu'ils soient parmi nous, ou eux ils ne préfèrent pas qu'ils soient parmi nous dans le dunya, une fois qu'ils ont vu tout ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé dans l'akhira. Donc ensuite, quand un sahabi est revenu de l'armée, il a annoncé au prophète ce qui s'est passé, il a raconté aux compagnons, et ce sahabi s'appelle Ya'la ibn Umayya, radiyallahu anhu. Il a raconté au prophète et aux compagnons ce qui s'est passé, et c'était exactement comme le Nabi leur décrivait avant l'arrivée de personnes de cette armée. Et malgré que la force et la détermination dont ils ont fait preuve, les Romains, et leur très très grand nombre par rapport aux musulmans, 200 000 contre 3 000. Malgré tout ça, ils ne sont tombés martyrs parmi les musulmans ce jour-là que 12 hommes. 12 hommes seulement ont été tués. Et parmi les Romains, on ne connaît pas le nombre exact, mais le déroulement de la bataille indique qu'il y a eu beaucoup de morts parmi eux. Et ensuite, quand Nabi Issa salam, après le retour de l'armée, donc j'ai pas fini, que Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, quand il a attaqué de cette manière très forte, après il a retiré son armée. Il a commencé à se retirer petit à petit, jusqu'à ce qu'il a pu retirer toute son armée. Et il les a sauvés d'un massacre, il y a 3000 contre 200 000, même si c'est les hommes les plus courageux de la planète. Et il a réussi, radiyallahu anhu, avec l'intelligence qu'Allah lui a donnée et le savoir faire dans les guerres et dans les batailles qu'Allah lui a accordées, il a réussi à retirer l'armée avec un minimum de dégâts. Il y a eu 12 morts dans cette bataille, uniquement, alors qu'ils étaient 3000 contre 200 000. C'est presque 7 personnes contre un seul homme. Et les musulmans ne combattent pas chez eux. Ils combattent chez l'ennemi. Ils connaissent pas la terre, comment aller, ils sont pas préparés à la terre, ils connaissent pas les endroits. C'est pour ça, cette première bataille contre les Romains, c'était la préparation et un début pour la conquête de toutes ces terres qui vont devenir des terres de l'islam. À leur retour, donc le fait de retirer cette armée, c'est ça qui explique la victoire dans ce combat. C'est ça la victoire dans ce combat. La victoire, c'est que le musulmin, avec ce petit nombre, ils ont pu se retirer sans fuir. Là, ils n'ont pas fui. Si c'était une fuite, non, c'est une défaite. Là, ici, ils n'ont pas fui. Ils se sont retirés. Et tellement ils ont fatigué les Romains que les Romains, ils n'ont pas osé avancer vers eux. Il y en a, ils ont cru qu'il y a eu beaucoup de renforts qui arrivent, tout ça. Donc, Hadou, ils se sont retirés, les autres, ils se sont retirés. Comme c'était dans la bataille de Uhud. Exactement comme dans Uhud. Et ça, c'est considéré comme une victoire. C'est pour ça que Nabi Issa salam l'a appelé victoire. Au retour de l'armée, Nabi Issa salam a vu les enfants de Ja'far radiallahu anhu. Et il a ordonné, il a sympathisé avec eux, il a parlé avec eux, il a ordonné à ce qu'on leur rase les cheveux. Et il a invoqué Allah en leur faveur. Et ce qui est rapporté dans les versions, c'est pour qu'ils ne soient pas touchés par l'aïn. Parce qu'ils avaient des très beaux cheveux et ça attirait plus le regard. Et ça, c'est quelque chose de demandé. C'est quelque chose de demandé vis-à-vis de vos enfants. Ne faites pas des choses avec vos enfants qui vont attirer l'œil des gens vers eux. Et surtout l'œil des gens qui disent pas du'a, qui font pas du'a avec le baraka, qui ne respectent pas la sunna. Ils peuvent leur faire du mal avec ce que Allah a décrété, destiné bien évidemment, mais il y a des causes qu'il faut faire pour les préserver de cela. Parmi les causes, c'est de ne pas les exposer au regard des gens. Comme je vois certains, ils mettent des vidéos avec leurs enfants, Allahumma barik. On est heureux de voir qu'ils connaissent le Coran de cette manière, qu'ils mémorisent de cette manière, mais faut faire attention aussi à l'ayn. L'ayn au haqq, c'est une vérité. Et ça, c'est cité parmi les sagesses pour lesquelles Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de raser, de raser leurs cheveux et de ne pas les embellir beaucoup. Et dans une version, ils avaient une coupe interdite. Ils avaient une coupe interdite. Comme ce que vous voyez aujourd'hui chez certains jeunes, ils coupent une partie des cheveux, ils rasent une partie, ils laissent le reste. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tout égaliser et de tout raser ou de tout laisser. Et il a dit à leur mère, Asma bint Umays, l'épouse de Ja'far radiallahu anha, il lui a dit, est-ce que tu crains la pauvreté et le besoin pour tes enfants après la mort de leur père alors que je suis en vie? Je suis leur allié dans le dunya et dans l'akhira. Rapporté dans le Musnad avec une chaîne de transmission authentique. Également dans Sunan ibn Majah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on leur prépare à manger pendant la période de deuil, car ils étaient touchés par une tristesse. Et que sunna, c'est de leur donner à manger afin qu'ils aient pas besoin de cuisiner pour eux-mêmes. Que dire de cuisiner pour des milliers de gens, comme on voit aujourd'hui. Quand il y a mort, ils viennent chez la famille du mort et ils leur préparent à manger et ils leur donnent de l'argent de ses héritiers qui n'appartient plus à ce mort, car l'argent est passé aux héritiers. Et en plus, c'est contraire à la sunna de se réunir chez la famille du défunt. Et salaf, ils se croisaient dehors, ou là ils se rencontraient, ou là si quelqu'un il vient de loin, il n'y a pas de mal à venir, mais ils ne préparent pas des choses spécifiquement. S'ils reçoivent des choses, ou là ils préparent à manger pour eux-mêmes, et qu'ils mangent avec eux, les savants ils disent il n'y a pas de mal. Mais faire un grand repas, comme on entend aujourd'hui, avec des traiteurs, inviter les gens, et tu sais même pas si c'est une fête ou un deuil. Allah al-Musta'an. Et ça, tout ça, c'est parmi les ruses de Shaitan pour ne pas tirer profit de la mort. Donc, ça, c'est par rapport à Mu'tia. Comme je vous ai dit, après Mu'tia, après le retour de l'armée des musulmans de Mu'tia, ils n'ont passé que quelques nuits à Médine. Et très exactement, dans le mois Jumad al-Thaniya, toujours de l'année 8 de l'Hégire, comme ça a été cité par Ibn Sa'd. Il y a eu une autre expédition que l'Hafid ibn Kafir, rahimahullah, n'a pas cité. Il a cité directement, après Mu'tia, la conquête de Mecca. Mais avant, il y a eu cette expédition. Et pourquoi je la cite également? Parce que dans cette expédition, le chef de l'expédition et le responsable et l'émir de cette expédition, c'était Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui vient d'entrer dans l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a désigné comme chef de cette armée. Et Amr ibn al-As, bien évidemment, c'est parmi les Arabes les plus intelligents. Parmi les plus intelligents des Arabes, vous avez Amr ibn al-As, Muawiyah ibn Abi Sufyan, et le troisième, un sahabi de Bani Thaqif, Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu. Al-Mughira ibn Shu'ba. Adous est parmi les plus intelligents des Arabes. Radiallahu anhum. Donc, yani, quand un homme comme ça entre dans l'islam, Nabi alayhi salam, il lui a confié directement cette expédition. Et au début, il lui a dit, je veux te charger d'une mission dans laquelle Allah, il va te sauver. Tu seras pas touché par un malheur. Tu seras pas tué. Il lui a garanti cela. Et en plus, t'auras un grand butin. Et je souhaite pour toi que tu bénéficies, que tu profites de cet argent. Parce qu'il vient de faire l'hijra, et c'est quelqu'un qui avait un grand statut à Mecca. Il vient de faire l'hijra, il a rien. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait pour lui cet argent qui va l'aider dans sa vie, fil Medina. Amr ibn al-As a dit, ô messager d'Allah, je ne suis pas entré dans l'islam pour l'argent. Je suis entré dans l'islam en voulant l'islam et en voulant ta compagnie. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Amr, il n'y a pas de contradiction, je le sens. Mais sinon, il lui a dit, Ya Amr, ni'mal mal as-salih lil mar'i as-salih. Mais le sens, c'est, il n'y a pas de contradiction à être sincère. Et si Allah il te donne des biens, et que tu es un homme pieux qui sait s'en servir et placer ses biens dans le bien, c'est un bien supplémentaire. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quelle bonne chose, l'argent halal pour l'homme pieux. L'argent qui est gagné de halal et qui sera dépensé dans le bien et qui va aider dans la propagation de l'islam, qui va aider yani, dans beaucoup de bien dans l'islam. Et Nabi alayhi salam l'a envoyé avec 300 hommes parmi les muhajirin et l'ansar. Ils sont sortis, ils étaient 300. Et ils sont sortis pour combattre la tribu de Qudaa. Car Nabi alayhi salam avait entendu que Qudaa se préparait et comme s'il pensait attaquer le Medina. Donc il a désigné cette expédition pour aller les attaquer en plein milieu de chez eux. Et quand Amr ibn al-As a vu le grand nombre de Qudaa, qu'ils étaient en grand nombre, il a envoyé un compagnon qui s'appelle Rafi ibn Makith al-Juhani, radiyallahu anhu, au messager d'Allah, alayhi salam, en lui demandant le renfort. Nabi alayhi salam lui a donné 200 hommes parmi les muhajirin et l'ansar. Donc ils sont devenus 500. Et il lui a envoyé à la tête de ces 200 hommes, Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, un des 10 annoncés au paradis. L'homme de confiance de cette umma, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Aminu hadhihi al-umma. Et dans les 200, il y avait également Abu Bakr et Omar. Abu Bakr et Omar. Mais le chef de cette expédition, c'était Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah. Et Abu Ubaida, juste entre parenthèses, c'est sahabi que le muslimin voulait désigner comme calife après la mort du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, au début. Comme ils avaient entendu que c'était l'homme de confiance, et comme yani, là on est dans l'année 8, yani, il reste à peu près 2 ans avant la mort du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est les dernières années du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, ils entendent de lui, yani, il le met à la tête d'une armée comme ça, et tout ça, c'est pour ça qu'il y a certains sahaba qui ont pensé le désigner comme calife après la mort du prophète alayhi salam. Mais après, ils se sont rappelés que celui que Nabi alayhi salam choisissait pour la salat, c'était Abu Bakr uniquement. Il n'acceptait personne d'autre en dehors de lui. Et comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, il a dit à un homme que le prophète alayhi salam nous a agréé pour notre religion. Comment on va pas l'agréer pour notre dunya? Salat, c'est l'affaire la plus importante de ta religion, de l'islam, dans la pratique. Mais dans les croyances, c'est tawhid. Mais sinon, salat, c'est l'affaire la plus importante et la chose la plus importante de ta religion après tawhid. C'est pour ça, si tu veux connaître la valeur de l'islam dans ton cœur, regarde la valeur que t'accordes à salat al-jama'a. Si tu la négliges, sache que l'islam n'a pas une grande estime dans ton cœur. Et si tu donnes toute l'importance qui se doit à salat al-jama'a, alors sache que l'islam a beaucoup d'importance dans ta vie. Et ne tiens pas compte de ce que les gens peuvent dire, car tous on aime l'islam, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Wallah al-musta'an. Mais quand tu regardes l'importance qu'on donne à la salat de manière générale et à la salat en groupe pour les hommes, c'est là où tu vois la vraie valeur de l'islam dans notre cœur. C'est ça la vraie valeur. Et ça, ça a été dit par Abdullah ibn Mas'ud, faqih al-umma. Radiyallahu anhu. Donc, le Nabi Aïssa au salam, je disais que Abu Ubaïda, radiyallahu anhu, a été chargé de ses 200 hommes. Et Amr ibn al-As a été chargé des 300 hommes qui sont partis avec lui. Et il a ordonné à Abu Ubaïda de ne pas rentrer dans des divergences avec Amr ibn al-As. Et de chercher toujours à se mettre d'accord. Subhanallah. Regardez le Nabi Aïssa al-Salam. Est-ce qu'il ordonne à Abu Ubaïda radiallahu anhu? Effectivement, Abu Ubaïda a respecté ce conseil du prophète Aïssa al-Salam à la lettre. Abu Ubaïda, bien évidemment, c'est un des premiers dans l'islam. C'est un des 10 annoncés au paradis. Amr ibn al-As, c'est quelqu'un qui est nouveau encore dans l'islam. C'est un grand compagnon, bien évidemment, qui a énormément de mérite. Mais comparé à Abu Ubaïda, c'est pas la même chose. Comme quand on a comparé Khalid ibn al-Walid à Abdurrahman ibn Auf. C'est pas la même chose. Pourtant, les deux, c'est des compagnons, et personne de cette communauté ne peut leur arriver à la cheville. Et il nous est pas autorisé de dire du mal d'eux, radiyallahu anhu. On les cite qu'avec le bien. La nadhkuruhum illa bi khair, radiyallahu anhum wa ardahum. Donc, quand c'était l'heure de salat, Amr ibn al-As a insisté pour que ce soit lui qui dirige la salat. Et Abu Ubaïda n'a pas beaucoup résisté, il a laissé Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Ensuite, il y a eu un autre événement dans lequel Abu Ubaïda, radiyallahu anhu, a mis en application le conseil du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est que quand l'armée a été touchée par un grand froid, ils ont voulu allumer un feu afin de se réchauffer. Et Amr ibn al-As leur a interdit de faire cela. Certains parmi les musulmans n'étaient pas d'accord, mais c'est la décision du gouverneur et du chef de cette armée. Ils se sont soumis, radiyallahu anhu. Ensuite, quand ils sont arrivés vers le Médina, ils se sont plaints au prophète, alayhi sallam. Ils lui ont dit, on mourait de froid et on voulait se réchauffer et allumer un feu et il nous a pas laissé. Et ensuite, on voulait attaquer notre ennemi et il nous a pas laissé non plus. Le Nabi, alayhi sallam, lui a demandé, pourquoi t'as fait ça? Il a dit, j'ai vu que ceux qui étaient avec moi étaient peu nombreux par rapport à notre ennemi. Et j'ai eu peur, si on allume un feu, ils voient qu'on est peu nombreux, ils nous attaquent. Et j'ai refusé de poursuivre l'ennemi, parce que quand ils ont pris la fuite, parce que j'ai eu peur que ce soit un piège, un guet-apens. Et ça a plu au prophète A.S. La façon de réfléchir de Amr ibn al-As a beaucoup plu au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est dans cette expédition qui est arrivé un événement très très important et très connu, qui a un lien avec le fiqh. C'est que Amr ibn al-As, sur le chemin de retour vers le Madina, dans une nuit il faisait très très froid, ils se sont arrêtés pour se reposer, et lui, il a fait ce qu'on appelle ihtilam, un rêve érotique. C'est comme ça qu'il l'appelle en français. Comme on a parlé de l'ihtilam, je vais vous citer une faïda. C'est que l'ihtilam est de deux catégories. Et ça, l'imam Ibn Kathir, il va en parler. Quand il parlera des caractéristiques du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais sinon, les savants évoquent souvent ce point. C'est que l'ihtilam est de deux catégories. Il y a un rêve érotique dans lequel tu vois des images. Et tu vois, par exemple, des femmes nues ou laadi, tu vois comme des rapports. Ça vient de Shaitan. Ça vient de Shaitan. Il y a un deuxième rêve dans lequel il va y avoir une éjaculation, mais sans voir quoi que ce soit. Ça vient pas de Shaitan. Ça, c'est le corps qui dégage l'excès du liquide qu'il y a en lui, de cette manière. Et ça arrivait au prophète, alayhi sallam. Mais le premier n'arrivait jamais au prophète, alayhi sallam. C'est ça, le faïda. Donc, Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, a fait un ihtilam, un rêve érotique, et c'était une nuit dans laquelle il faisait extrêmement froid. C'est pour ça, il s'est pas lavé, et il a fait uniquement tayammum. Il a fait uniquement at-tayammum, radiyallahu anhu. Et il a interprété la parole d'Allah, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. يعني malgré qu'il était nouveau encore dans l'islam, رضي الله عنه, mais on voit le fiqh dont Allah Azza wa Jal l'a comblé, cet homme. Et c'est pour ça les meilleurs d'entre nous dans l'islam, c'est les meilleurs d'entre nous avant l'islam, s'ils ont la bonne compréhension de l'islam. Ça, c'est des hommes, c'était des hommes, un homme pour 100 et pour 1000 dans les stratégies et dans les choses comme ça. Radiallahu anhum. Donc, il a interprété la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, et ne vous tuez pas. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, car Allah est pour vous tout miséricordieux. Et c'était lui en plus l'imam. Il les a dirigés dans la salat. Et quand il est rentré à Médine, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ce qu'il a fait. Il a approuvé ce qu'il a fait. Radiallahu anhu. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Voilà ce qu'on va voir, inshallah, pour aujourd'hui. Je voulais citer quelques fawaïd d'autres par rapport à des compagnons. On va citer une seule, car elles sont presque identiques, mais on va citer une seule, bi'idnillah. C'est dans une expédition à la tête de laquelle il y avait Abu Qatada. Ils étaient envoyés à une tribu de Idam, qui s'appelle Idam. Et dans cette expédition, il y avait Abu Qatada, radiyallahu anhu, il y avait un compagnon qui s'appelle Muhallim ibn Jathama ibn Qais. C'est ce compagnon qui nous intéresse ici. Donc, ils sont arrivés à la tribu vers laquelle ils étaient envoyés, et là, ils ont rencontré un homme qui s'appelle Amir ibn al-Adbat al-Ashja'i. Il leur a passé le salam de l'islam. Donc, les compagnons, l'expédition, ils lui ont rien fait. Mais ce compagnon que je vous ai cité, qui s'appelle Muhallim ibn Jathama, radiyallahu anhu, il avait quelque chose contre cet homme avant. Et malgré qu'il a passé le salam, il l'a tué et il a pris sa monture et ses biens. Il a pris sa monture et ses biens. Et c'est là où Allah Azza wa Jal a révélé ce verset. « Ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumu salam lasta mu'mina » تبتغون عرض الحياة الدنيا سورة نساء. Dans le sens approximatif, ô vous qui avez cru, يا أيها الذين آمنوا, إذا ضربتم في سبيل الله, quand vous partez combattre pour la cause d'Allah, فتبينوا, soyez lucides dans vos actions. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا, et ne dites pas à celui qui vous adresse assalam, tu n'es pas croyant. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة, parce que vous convoitez les richesses, parce que vous convoitez les richesses de ce bas monde. Sachez qu'après d'Allah se trouvent des butins en abondance. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. Vous-même étiez ainsi auparavant, puis Allah vous a comblé de ses grâces. Soyez donc lucides dans vos actions. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Car Allah est de tout ce que vous faites informé, subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset a été révélé, il a été rapporté qu'il a été révélé à ce sujet, à ce compagnon qui a tué cet homme malgré qu'il a dit salam de l'islam. Et il a été rapporté par Ibn Ishaq, rahimallah, avec une bonne chaîne de transmission, que Nabi alayhi salam a refusé de demander le pardon d'Allah en faveur de ce compagnon qui s'appelle Muhallim. Quand il lui a demandé cela, il a refusé de le faire. Et Muhallim est décédé 7 jours après cette histoire. Et quand ils l'ont enterré, ça s'est rapporté par l'imam al-Tabari dans son tafsir, yani avec une chaîne de transmission qui a été jugée hasan li ghayrihi, donc acceptable, que ce compagnon radiallahu anhu, quand il a été enterré, la terre l'a rejeté et ils n'ont pas su comment l'enterrer jusqu'à ce qu'ils ont trouvé l'idée de le mettre entre deux montagnes, dans une vallée entre deux montagnes. Et ils ont mis sur lui des pierres jusqu'à ce qu'ils l'ont couvert entièrement. Et quand Nabi alayhi salam a entendu cela, il a dit par Allah, la terre accepte celui qui est beaucoup pire que lui, qui a fait beaucoup plus grave que lui, et qui est beaucoup pire que lui. Mais Allah a voulu vous montrer la gravité du sang illicite. Et la sacralité du sang qui est illicite. Donc on tire comme leçon pour nous la gravité de tuer un musulman ou de tuer une personne, même s'il n'est pas musulman, sans raison valable, sans droit et sans droit. Donc la gravité de ça. Et c'est rapporté dans les hadiths que la première chose sur laquelle Allah jugera les gens, c'est le sang qui a été coulé sans raison valable. Et on voit comment la piété de ces khawarij, qu'Allah les ramène vers la vérité, vers la guidée, on voit la faiblesse de leur foi et de leur religion, comment ils prennent à la légère ce que Allah Azzawajal a rendu sacré, avec des choubouhats et des ambiguïtés. Qu'Allah nous en préserve. Voilà mes frères et sœurs pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala ala wa alam. Donc, le cours prochain, on va parler de Fath Makkah, bi'idnillah. Directement, on va commencer par Fath Makkah et des batailles qui nous restent là. Il nous reste 3 batailles importantes avec la conquête de Makkah, Ghazwat Tabouk et Hunayn et Taif. Est-ce que ces 2 batailles, une seule bataille? En tout cas, c'est le plus important de ce qui nous reste de toutes les batailles du prophète alayhi salatu wassalam. Et après, ça sera la réception des groupes qui viendront annoncer leur islam au prophète عليه الصلاة والسلام. هذا هو pour aujourd'hui. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.